Alors expliquez-moi ce qui se passe. Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Vous êtes fou, mon petit. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire. Une pression en avant, et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique culturelle. Vers l'infini et au-delà. Mathilde Serrel. Atterrissage réussi en 1981. Ici, Fox News parlerait probablement de no-go zone. Le downtown new-yorkais est un champ de ruines, un territoire en banqueroute totale, mais où les loyers sont peu chers, voire gratuits pour ceux qui squattent. Direct from Haiti, New York's own Kid Creole and the Coconut! Yeah! La fusion afro-caribéenne, jazz et pop d'un certain Auguste Darnell, aka Kid Creole, se mélange au son saturé du post-punk. Une nouvelle musique venue du Bronx débarque dans les rues, le hip-hop. Et sur les murs, un nouveau mode d'expression, le graffiti. Dans le quartier de Tribeca, le commissaire d'exposition Diego Cortés et ses amis ont lancé un club, le Mud Club, où danse toute une nouvelle scène multipiste. Exemple, le clarinettiste du groupe Grey, Jean-Michel Basquiat. Ce jeune artiste noir venu de Brooklyn qui commence à affoler le milieu de l'art avec sa dégaine mi-street mi-chic et ses dreadlocks en couronne. Il peint, paraît-il, sur tout ce qui passe, les frigos, les portes, les téléphones, mais aussi les cartes postales qu'ils vendent dans la rue. I'm an artist. When you tell people that, they usually say, "What's your medium?" I usually say, "Extra large." Depuis l'expo New York New Wave, Basquiat a frappé un grand coup dans les esprits. On n'avait jamais vu ça. Le commissaire d'expo, Dieter Böschardt. You have this feeling of a wall. Vous avez cette impression de mur. There's still the connection to the early. Et il y a encore ce rapport à ce qu'il faisait 2-3 ans avant avec son camarade de classe Al Diaz, cet art poétique conceptuel du graffiti. Tout le monde en parlait à cette époque à New York, jusqu'à ce qu'ils arrêtent au début de 79, car il devenait clair que ces deux gars étaient derrière. Ce que l'on voit ici, ce sont des réminiscences de ce travail à l'extérieur. Mais tout ça, maintenant, est fait en studio. C'est quelque chose de nouveau, des mots, des dessins, des peintures, ça semble nouveau. Mais ce qui est nouveau avec Basquiat, c'est qu'il forme une alliance entre le mot, le pictogramme, la ligne, le collage. Donc il apporte quelque chose de neuf. Mais il ne fait pas que peindre ou dessiner, il fait aussi de la musique. Il mixe au Mud Club avec Michael Holman, Vincent Gallo, DJ High Priest. Il est présent et il est tout le temps au travail. En quelques mois, Basquiat a déjà produit des trucs de dingue, comme cette grande toile per capita avec un boxeur noir qui semble tenir la flamme de la Statue de la Liberté. Ou cette tête de mort colorée, à la peau comme arrachée. Il tient un discours pictural inédit, mais peu importe. Ce dont on parle surtout, c'est que depuis quelques mois, il s'est installé au sous-sol de la galerie Anina Nosey. Elle lui fournit des toiles et vend du frisson aux collectionneurs qui viennent découvrir le phénomène exotique au travail. Enfin, s'il était blanc, on aurait sûrement parlé de résidence artistique. Pour ma part, j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur. Transportation réussie. Vous êtes de retour au 21e siècle. Ce que l'on peut dire, presque 40 ans plus tard, c'est que ce coup de tête de Jean-Michel Basquiat était si fort que la société n'a pas su l'encaisser. Ou plutôt, que le marché de l'art s'est empressé de l'encaisser sans vraiment le comprendre. Le mythe de Basquiat, tagueur des rues, devenu légende de l'art, a étouffé sa proposition plastique. Au début, Basquiat était situé dans le mouvement néo-expressionniste. Aujourd'hui, nous avons compris qu'il est un artiste avec une base conceptuelle, mais avec sa propre esthétique. So meaning that Basquiat Je veux dire que l'importance intellectuelle de Basquiat a mis du temps à être reconnue à sa juste valeur. Parce que si vous ne comprenez pas Léonard de Vinci, qu'il cite souvent, ou Picasso, ou Sam Doyle, ou même Hitchcock, si vous n'avez pas une idée de Warhol, ou Herring, ou de l'art ancien, ou de l'art roman, ou de la bande dessinée, vous ne serez pas apte à le comprendre. Ce que vous pourrez voir, c'est l'énergie, qui est énorme, et qui l'a conduit à être jugé comme peintre sauvage, ce qu'il n'était pas du tout. Un art naïf, à l'impact immédiat, produit par un gamin des rues inculte, autant de fausses pistes qui s'avéreront racistes. Or, c'est précisément ce racisme que Basquiat peint, comme il le dit, avec 80% de rage. La question des brutalités policières, la question du mouvement Black Lives Matter deviennent plus importantes dans les médias. Mais bien sûr, Basquiat a vécu cette expérience traumatisante. Une connaissance à lui, Michael Stewart, sortait avec une fille qui a été tuée par un policier dans le métro. Et il s'est dit, cela aurait pu lui arriver. Il en a été profondément choqué. C'est le premier artiste star qui pense identité noire et afro-américain. Au fond, Basquiat articule-t-il une pensée que la société dans son racisme ordinaire était incapable d'entendre ? Et sur ses toiles, Basquiat n'anticipe-t-il pas le meilleur médium de propagation de sa pensée ? Internet. Je pense qu'il a été l'incarnation de quelqu'un qui pratiquait le travail multitâche, la façon de combiner les différentes sortes de contenus entre eux. D'un autre côté, il était comme une prémonition de notre temps. N'oubliez pas, la société du copier-coller a commencé dans les années 80. Elle est devenue effective avec Internet et les possibilités de travail actuelles. Ce qui veut dire qu'il pouvait le sentir à son époque. Les médias sociaux, cette façon de travailler, comme on travaille aujourd'hui, comme on se connecte aujourd'hui, et depuis ces dernières années, un phénomène peut-être plus important que la révolution industrielle. Et là, on peut revenir à Monet et les impressionnistes, car c'est le moment où le grand changement est arrivé. Les gens vivaient comme ils vivaient avant, sans se rendre compte que les temps changent. Mais ces artistes-là l'ont incroyablement ressenti. Basquiat, comme Rimbaud, est un voyant. Mais il fallait, semble-t-il, entrer dans le 21e siècle pour s'en rendre compte. This is America. Guns in my area. My area. I got the strap. Hey.